J'ai trop pleuré quand tu m'as fait comprendre que ton cœur s'est laissé emporter par un autre. J'ai bien sûr préféré m'effacer et attendre que mes mains puissent te reprendre. J'ai trop pleuré, ça fait des années que ton corps s'est laissé emporter par un autre. J'ai bien sûr écarté la chance de retrouver la petite que j'ai aimée. Rappelle-toi quand tu étais. J'ai trop pleuré quand j'ai lu le papier qui disait que ta voix ne tremblait que pour l'autre. J'ai bien sûr essayé de te faire regretter le bonheur qui nous liait. J'ai trop pleuré quand j'ai vu notre chien, les yeux trop fatigués. Bien sûr, pardonner, même si ce n'est pas...